إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours 19 dans l'explication de la aqida de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah avec les explications de Cheikh Saleh al-Fawzan hafizahullah. Et on est arrivé à l'endroit dans le texte de la muqaddima de la risala de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani où il dit: ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. Donc il mentionne l'imam Ibn Abi Zayd rahimahullah, il mentionne que il n'y a rien de ce que les anges écrivent et préservent qui sortent de la science de leur Seigneur, et que l'ange de la mort vient pour enlever les âmes par la permission de leur Seigneur. Donc le Cheikh Saleh al-Fawzan hafizahullah, il explique maintenant qu'est-ce que ça signifie. Il dit: ليس معنى كتابة أعمال بني آدم أن الله لا يعلمها بل الله يعلمها سبحانه وتعالى وإنما كتبها كتبها لحفظها ليقابل بها العبد يوم القيامة ويقال هذا عملك وهذه صحيفتك اقرأ كتابك فالله لا يعذب على أنه يعلم على عمل العبد وإنما يعذب على وقوع الشيء من الإنسان فإذا وقع فإن الملائكة تكتبه وتثبته في صحيفة وهذه الصحيفة تدفع إلى العبد يوم القيامة. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا تدفع إليه صحيفته فإن كان من أهل الخير يأخذها بيمينه وإن كان من أهل الشر يأخذها بشماله والعياذ بالله يلقى عمله ولا ينكر منه شيئا وإلا فالله يعلم سبحانه وتعالى ولكنه لا يعذب الناس على مجرد أنه يعلم ما يفعلون حتى يفعلوا هم هذا الشيء في الواقع والمشاهد أو المشاهد فهو يعذبهم على أعمالهم أو يكرمهم على أعمالهم. نعم. Donc le Cheikh Saleh al-Fawzan, il explique que la signification du fait que les anges écrivent les œuvres des hommes, ça ne signifie pas que Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas ce qu'ils font. Hein? Ça ne signifie pas que Allah subhanahu wa ta'ala ne savait pas ce qu'ils font ou ce qu'ils allaient faire ou ce qu'ils font. Allah subhanahu wa ta'ala sait tout. Hein? Et il sait ce qu'ils font, et il savait avant même qu'ils fassent ces actions-là qu'ils allaient les faire. Hein? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il a chargé les anges d'enregistrer et d'écrire les œuvres des êtres humains? C'est pour que au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala fasse voir aux serviteurs et à l'être humain ce qu'ils ont fait eux-mêmes, par eux-mêmes. Et donc on va dire aux hommes au jour de la résurrection: voici tes actions, voici ton livre, lis ton livre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas châtier les hommes uniquement par rapport à ce qu'il a su ou à sa connaissance des œuvres des hommes, mais il va les châtier par rapport à ce qui s'est produit, hein, de la part des êtres humains. Donc si l'action s'est produite de la part d'un être humain, il a commis un péché, alors l'ange va l'écrire et va l'enregistrer dans un livre. Puis ensuite, il va le donner à cet homme au jour de la résurrection, et c'est à lui, hein, il sera témoin, il va lire ce qu'il a fait lui-même. Et il mentionne ensuite le verset 13 et 14 dans Surat Al-Isra, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et au cou de chaque homme nous avons attaché son œuvre, et au jour de la résurrection nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Lis ton écrit, lis ton livre. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. C'est-à-dire, tu es capable aujourd'hui de faire tes propres comptes, parce que tu as un livre dans lequel il y a toutes tes œuvres. Et donc, on va lui remettre son livre. Hein? Et s'il fait partie des gens du bien, il va recevoir son livre. Hein? S'il fait partie des gens du bien, il va recevoir son livre par la main droite. Et s'il fait partie des gens du mal, il va prendre son livre par la main gauche, wal'ayadu billah, et il va rencontrer son œuvre. Et il ne pourra rien en nier. Il ne pourra rien nier de son œuvre. Naam. Donc, il va rencontrer son œuvre et il ne pourra en nier quoi que ce soit. Hein? Mais sinon, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît, hein? Il savait ce que cet homme allait faire. Hein? Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas juste châtier l'homme par rapport à ce qu'il savait de qu'est-ce qu'il allait faire, mais il va également lui montrer les preuves et il va se baser sur ce qu'ils ont réellement fait. Hein? Il va les châtier pour leurs actions, hein? Ou bien il va les honorer pour leurs actions. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il savait déjà, avant d'avoir créé les cieux et la terre, ce que chaque homme allait faire comme œuvre. Et il aurait pu châtier ceux qui méritent le châtiment uniquement en se basant sur sa connaissance. Mais il a, par sa justice, voulu, hein, mettre l'homme comme témoin, hein, contre lui-même. Et donc, non seulement l'homme fait ses œuvres, fait ses actions sur terre, mais il a également des anges qui enregistrent ses œuvres, hein, et même ses membres de son corps vont témoigner pour ou contre lui au jour de la résurrection. Et donc comme ça, il arrive devant Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection et Allah lui demande ses comptes, il a son livre. Hein? Et s'il nie quoi que ce soit, ses mains, ses pieds, ses yeux, sa bouche, sa langue, son corps au complet va témoigner contre lui. Subhanallah. Et il y a la balance aussi sur laquelle il va mettre ses œuvres. Hein? Et tout ça, donc, c'est des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a mis pour montrer à l'être humain qu'il est juste et qu'il ne va faire d'injustice à personne. Après, l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il mentionne, il dit « وَأَنَّ خَيْرَ الْقُرُونِ الْقَرْنَ الَّذِينَ رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَآمَنُوا بِهِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » Subhanallah. Donc on voit ici la aqidah salafiyya pure et claire de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Il explique, il dit que la meilleure des générations, c'est la génération de ceux qui ont vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui ont cru en lui, c'est-à-dire les sahaba. Puis la génération qui la suit, puis la génération qui la suit, c'est-à-dire la génération des tabi'in, les élèves des sahaba, et la génération des tabi'in, c'est-à-dire les élèves des élèves des sahaba. Cheikh Al-Fawzan, il explique ce point-là et il dit « من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن خير القرون أي خير الأجيال خير أجيال الأمة هم جيل الصحابة والصحابة جمع صحابي والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه فليس بصحابي وإنما هو تابعي ويشترط أن يستمر على الإيمان حتى يموت فإن ارتد عن الإسلام فإنه لا يكون صحابيا ويسمى مرتدا فلا بد من هذه الأمور الثلاثة لقي النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به سواء طال اجتماعه ولقاؤه أو قصر ويكون مؤمنا به عند اللقاء وأن يستمر على الإيمان حتى الوفاة والصحابة خير القرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وبعدهم التابعون وأتباع التابعين هؤلاء هم خيار الأمة المحمدية وأفضل من يأتي بعدهم الذين يتبعونهم قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Donc le cheikh ici il explique que parmi les fondements d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, il croit que yani, les sahaba sont la meilleure des générations. C'est-à-dire que la meilleure génération de la Ummah, c'est la génération des sahaba. Et le sahaba, c'est le pluriel de sahabi. On dit un sahabi, des sahaba. Et le sahabi, la définition du sahabi, c'est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en croyant en lui, c'est-à-dire il a cru en lui lorsqu'il l'a rencontré, et il est mort musulman. Il est mort sur la foi. Donc quiconque a cru en le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il ne l'a pas rencontré, c'est-à-dire il est devenu musulman après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il a cru en l'islam mais il n'a jamais rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie, et bien dans ce cas-là il n'est pas un sahabi, hein, c'est un tabi'i. Et la condition pour que quelqu'un soit un sahabi, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que il continue sur la foi jusqu'à la mort. Par contre, s'il a apostasié de l'islam avant la mort, c'est-à-dire il a quitté la foi avant la mort, dans ce cas-là, il n'est pas un sahabi. On l'appelle un apostat et non pas un sahabi. Donc il faut ces trois conditions réunies. Qu'il ait rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, et qu'il se soit qu'il a été réuni avec lui physiquement, peu importe que ce rassemblement ou cette rencontre ait été longue ou courte, hein, du moment qu'il l'a rencontré, même si c'est juste quelques minutes, quelques instants, et qu'il ait cru en lui au moment de cette rencontre, hein, il a cru en lui, soit avant ou pendant, et qu'il a continué après, hein, donc à ce moment-là, si il reste musulman jusqu'à la mort et qu'il meurt musulman, il est un sahabi. Il est un sahabi. Et le sahaba, les sahaba sont la meilleure des générations. Les sahaba sont la meilleure des générations. Et le témoin de ça, c'est le témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui mentionne que la meilleure des générations, c'est ma génération, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Après les sahaba, donc, la meilleure génération, c'est la génération des tabi'un. Puis, ensuite, la génération des atba' at-tabi'in. Ceux qui ont appris avec les élèves des sahaba. Et ceux-là, ces trois générations-là, sont les meilleures générations de la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les meilleurs de ceux qui viennent après eux, sont ceux qui les suivent. C'est-à-dire que ceux qui sont meilleurs par la suite, c'est ceux qui les suivent, c'est-à-dire qui suivent ces trois premières générations-là. Hein? Mais qui les suivent correctement et exactement, hein, dans leur aqida, dans leur ibadat, dans leurs adorations, dans leurs paroles. Hein, ils suivent leur exemple sur tous les points de vue et de la meilleure façon. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça dans le Coran. Et c'est ça en fait la signification même de la salafia, de suivre nos salafs. Puisque les salafs, ce sont les sahaba, puis les tabi'in, puis les tabi'in. Hein, et on est ordonné dans le Coran de les suivre et de suivre leur exemple de la meilleure façon. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 100, dans surat At-Tawbah, les premiers qui ont précédé parmi les muhajirin et les ansar, c'est-à-dire les muhajirin, ceux qui ont cru à la Mecque et qui ont fait la hijra vers Médine, et à l'ansar, c'est les habitants de Médine qui ont cru en l'islam et qui ont défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Ceux qui les ont suivis, c'est ceux qui viennent par la suite et qui sont sur la même croyance, la même pratique et la même voie dans la religion que celle des muhajirin et des ansar. Allah dit à leur sujet qu'il est satisfait d'eux. Radiallahu anhum. Il n'y a personne dont Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait, hein, et dont on a la garantie de cette satisfaction-là, excepté les muhajirin et les ansar et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Donc si on veut faire partie de ceux dont Allah est satisfait, il faut absolument suivre l'exemple des muhajirin et des ansar qui ont suivi l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la meilleure façon. Et il y a un autre verset que le cheikh a mentionné, c'est le verset 10 dans surat Al-Hashr, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et ceux qui viennent après eux, c'est-à-dire après les muhajirin et les ansar, après nos salafs, ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala en disant, ô notre Seigneur, pardonne à nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets pas dans notre cœur de la rancune pour ceux qui ont cru. Ô notre Seigneur, tu es certes indulgent et miséricordieux. Hein? Donc ça c'est le verset 10 dans surat Al-Hashr qui prouve que un croyant, il doit aimer les salafs, il doit aimer les sahaba et les tabi'in et ne pas avoir de la rancune pour eux. Et que s'il a de la rancune pour eux, eh bien, dans ce cas-là, il n'est pas sur leur voie. Et non. Ensuite, l'autre partie de qu'est-ce que l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani mentionne à la suite de ça, c'est un autre élément parmi les fondements de la aqidah d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Il dit wa afdalu as-sahabati al-khulafa'u ar-rashidun al-mahdiyun Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman thumma Ali radiyallahu anhum ajma'in. Il dit puis les meilleurs d'entre les sahaba sont les Khulafa al-Rashidin al-Mahdiyin, c'est-à-dire les successeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont bien orientés et bien guidés. Et ils sont qui? Ils sont premièrement Abu Bakr, puis ensuite Omar, puis ensuite Uthman, puis ensuite Ali radiallahu anhum ajma'in. Qu'Allah soit satisfait de tous. Et le cheikh il dit ensuite الصحابة يتفضلون. Les sahaba, ils sont pas tous au même degré de mérite. Certains d'entre eux sont meilleurs que d'autres. مع فضلهم العام الذي انفردوا به على الأمة واختصوا به على الأمة ولكنهم يتفضلون فيما بينهم فأفضلهم الخلفاء الراشدون وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين وهم يتفاضلون بينهم وترتيبهم في الفضل مثل ترتيبهم في الخلافة ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة وهم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن الخطاب ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو عبيدة بن الجراح وهؤلاء العشرة المبشرين بالجنة ثم أصحاب بدر ثم أصحاب بيعة الرضوان والمهاجرون أفضل من الأنصار ثم الذين أسلموا قبل الفتح ثم الذين أسلموا بعد الفتح كل هؤلاء الصحابة ولكن يتفاضلون فيما بينهم radiyallahu anhum wa ardahum. Donc le cheikh il dit les meilleurs, donc comme on a expliqué, les meilleurs d'entre les sahaba, parce que les sahaba c'est clair qu'ils ont un mérite sur toute la umma, ils ont un mérite sur toute la umma, c'est à dire ils sont meilleurs que tout le reste de la umma, mais entre eux ils ne sont pas tous égaux. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Les meilleurs d'entre eux sont les successeurs bien guidés. Al-Khulafa al-Rashidun. C'est-à-dire Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Uthman, ensuite Ali, radiyallahu anhum. Donc ça c'est les meilleurs de cette umma. Hein? Tandis qu'on sait que Al-Rafida, Shia, Al-Rafida, eux, ils déclarent kuffar la majorité des sahaba, mais ils détestent encore plus Abu Bakr, Omar et Uthman radiyallahu anhum. Hein? Et ils les déclarent kuffar, ils font le takfir des sahaba Allah al-Musta'an. Et ils prétendent aimer la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et vouloir défendre l'honneur de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il s'appelle Ahlul Bayt. Et la réalité à ce sujet, bien entendu, c'est que même les gens d'Ahlul Sunnah wal Jama'a, As-Salafiyyun, ils aiment la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la famille du prophète. Ils aiment Ahlul Bayt. Mais, contrairement au Rafida, on ne tombe pas dans l'extrémisme et l'exagération au point de les adorer en dehors d'Allah et de les élever à des niveaux de divinité, hein, comme ils font avec eux. Quand ils ont des malheurs, ils les invoquent, ils les appellent au secours pour qu'ils leur viennent en aide alors qu'ils sont morts dans leur tombe. Allah al-Musta'an. Également, ils font des mosquées sur leur tombe et des mausolées qu'ils vont visiter et ils vont faire des pèlerinages à leur tombe. et il les adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça c'est du shirk. Naam. Allah al-musta'an. Donc ça c'est de l'égarement. Mais les gens d'Ahl al-Sunna, nous, on aime Ahlul Bayt, on aime Ali, on aime Al-Hassan ou Al-Hussein, on aime Fatima, radiyallahu anhum. On aime aussi les autres parmi les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais yani sans exagération et sans extrémisme. Et on ne croit pas, comme les Rafidah, qu'il y a un conflit entre les Sahaba et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien au contraire. Les Sahaba aimaient la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que leur propre personne. Et plus que leur propre famille. Et ceux qui prétendent qu'il y avait un conflit entre eux, il a menti à leur sujet. Hein? Bien entendu, les imams des Rafidah, les Shia al-Rafidah, ils mentent en premier à leurs fidèles, puis aux musulmans en général, en leur faisant croire toutes sortes de mensonges. Et ils sont connus pour le mensonge. Allah al-Musta'an. Donc ensuite le cheikh il dit وَهُمْ يَتَفَضَلُونَ بَيْنَهُمْ وَتَرْتِيبُهُمْ. Donc il dit ils ne sont pas tous au même degré, même parmi les quatre khulafa al-Rashidin, ils ne sont pas tous égaux dans leur foi et dans leur mérite. Et les ulama disent que leur mérite dans leur degré ou bien leur mérite est le même que, c'est-à-dire l'ordre dans lequel ils sont dans le khilafa, c'est le même que l'ordre de leur mérite. C'est-à-dire que le meilleur d'entre eux c'est Abu Bakr, puis ensuite Omar, puis ensuite Othman, puis ensuite Ali radiallahu anhum, et c'est ça l'ordre dans le khilafa, c'est le même que dans leur mérite. C'est relié ensemble. Naam. Ensuite, le cheikh il dit donc qu'ils ne sont pas tous égaux et ils ont des degrés différents et des mérites différents. Et comme on a dit, leur ordre dans le mérite, c'est comme leur ordre dans le khilafa. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Ça le tartib, l'ordre. Ensuite, il y a les 10, les autres qui complètent les 10, c'est-à-dire les 6 autres qui font partie des 10 qui ont été promis au paradis et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné qu'ils seront au paradis. Al-Ashra, Al-Mubashirina Bil-Jannah. Donc on a dit, le premier c'est Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Othman, ensuite Ali. Ils font partie des 10 promis au paradis. Ou bien qui ont eu l'annonce qu'ils seront au paradis. Ensuite, il y en a 6 autres. C'est Talha, ensuite c'est Zubayr, ensuite Abdurrahman ibn Auf, ensuite Sa'd ibn Abi Waqqas, ensuite Sa'id ibn Zayd ibn al-Khattab, c'est le cousin de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, et ensuite le dernier Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiyallahu anhu. Donc ça c'est les 10 promis au paradis. Ensuite il y a dans le mérite ceux qui viennent après, c'est les gens qui ont participé à la bataille de Badr. Puis ceux qui ont été présents à Yani Bay'at al-Ridwan, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu l'allégeance du prophète avec les habitants de Médine, ceux qui sont venus pour faire la Bay'at au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'arbre. Ensuite, les Muhajirin sont meilleurs que les Ansar de façon générale. Puis ceux qui se sont convertis le jour de la conquête de la Mecque sont meilleurs que ceux qui se sont convertis après la conquête de la Mecque. Puis tous ceux-là sont quand même tous des Sahaba. Et comme on a dit, malgré tout, il y a des mérites, il y a des différences de mérites entre eux. Certains sont meilleurs que d'autres. Et Allah est satisfait d'eux, tous. Ensuite, le cheikh il dit وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أحسن ذكر والامساك عما شجر بينهم وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. نعم. Donc ça c'est un autre parmi les points et les fondements de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. Le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, bon, je vais le traduire en premier. Il dit, et certes, on ne doit pas mentionner les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté par le meilleur rappel, hein, et la meilleure mention. Donc si on parle du prophète, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut mentionner à leur sujet que les meilleures choses et le meilleur rappel. On ne parle pas en mal des sahaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, plutôt, en fait, le cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit « وَمِنْ أُصُولِ أَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الثَّنَاءُ عَلَى الصَّحَابَ عَلَى صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنْ لَا يُذْكَرْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ إِلَّا بِأَحْسَنِ الذِّكْرِ سُبْحَانَهُ رضي الله عنهم لأن الله مدحهم وأثنى عليهم ورضي عنهم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. C'est-à-dire que parmi les fondements de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, il faut faire l'éloge des Sahaba, c'est-à-dire des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on doit les mentionner que par la meilleure mention, que par la meilleure mention, que Allah soit satisfait d'eux. Et il dit parce que Allah les a glorifiés et a fait leur éloge et a été satisfait d'eux et les a agréés. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'insultez pas mes compagnons, parce que si l'un d'entre vous voulait dépenser une quantité d'or égale à la montagne de Uhud, eh bien cela ne pourrait même pas atteindre la valeur ou la récompense de l'un d'entre les sahaba lorsqu'il donne une poignée de main en sadaqa, ou la moitié d'une poignée de main. Donc même si toi tu donnes la montagne de Uhud et que le sahabi donne une poignée de main, sa poignée de main à lui a plus de valeur et plus de récompense que toi, ta montagne en or de Uhud. Pourquoi? À cause du mérite qu'ils ont, du fait qu'ils ont fait des sacrifices et ils ont été avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le mérite qu'ils ont, personne après eux ne peut l'avoir. Personne après eux ne pourra jamais avoir ce mérite d'être un sahabi. C'est un mérite qui leur est exclusif et particulier. Ensuite, le cheikh il explique l'autre partie de se retenir, de mentionner ce qui est arrivé entre eux, comme dispute ou conflit. Et ensuite, il dit que ce sont les gens, il y en a qui méritent le plus qu'on cherche des excuses pour eux, des issues pour eux, la meilleure issue, et qu'on pense du bien de la meilleure façon à leur sujet. Donc il explique ces deux points-là. Il dit الفتن تقع عليهم وعلى غيرهم وقد وقعت على الصحابة وتقع على من جاء بعدهم ولكن الصحابة أعطاهم الله من الفضل ما لم تؤثر فيهم بسببه الفتنة التي حصلت والفتنة إذا جاءت فمن الناس من يمسك عنها ولا يدخل فيها وإما أن يدخل فيها باجتهاد منه لإطفائها فلا يبحث فيما حدث بين الصحابة بسبب الفتنة إلا على وجه الاعتذار عنهم. Donc le cheikh il explique, il dit que les fitans, elles peuvent se produire, c'est-à-dire les fitans, c'est-à-dire les conflits, les tribulations, les problèmes, les épreuves, les tentations, ça peut leur arriver aux sahaba, comme ça peut arriver à d'autres. Et il y a eu des conflits et des problèmes entre les Sahaba. Hein? Et c'est arrivé à ceux qui sont venus après eux également. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a donné un grand mérite aux Sahaba. Et ce mérite-là, il est tellement grand que les fitanes qui ont pu se produire entre eux n'ont pas eu d'effet sur eux. Les fitanes, les tribulations et les problèmes qui se sont produits entre les Sahaba n'ont pas eu d'effet sur eux à cause de leur grand mérite dans la religion d'Allah. Et la fitna, lorsqu'elle vient, les gens sont parfois différents dans leur position et dans leur réaction. Parmi les gens, il y en a qui se retiennent de la fitna, c'est-à-dire ils ne rentrent pas du tout dedans. Il y en a d'autres qui rentrent dans la fitna, mais par un effort de jugement qu'ils ont fait pour essayer d'éteindre cette fitna. Donc ils rentrent dans la fitna dans le but d'essayer de l'éteindre et de régler le problème. Ils peuvent avoir raison comme ils peuvent se tromper dans leur ijtihad. Et le cheikh il dit, il ne faut pas donc chercher entre les sahaba qu'est-ce qu'il y a eu comme fitan. Il ne faut pas essayer de rentrer là-dedans dans ce sujet-là pour commencer à en parler ou discuter de ce sujet. Mais si on en parle, il faut uniquement en parler en cherchant des excuses pour eux, en leur donnant des excuses. Parce que tu vois, il y a des gens parmi les hérétiques et les gens de l'égarement, comme les Rafida, parmi les Shia, eh bien eux, ils rentrent dans les conflits qui se sont produits entre les Sahaba, puis ils commencent à les attaquer, les insulter, et mentionner à leur sujet toutes sortes de choses, et parfois c'est des mensonges. Bien souvent ce sont des mensonges, sinon des fois il y a des choses qui sont mentionnées qui sont vraies, mais il faut comprendre que ce sont des efforts de jugement de leur part et des ijtihadat. Ils ont essayé de trouver la vérité selon l'opinion le plus clair pour eux et le plus valable pour eux. Et s'ils ont la bonne conclusion, le bon jugement, Allah leur donnera deux récompenses. Et s'ils se sont trompés, ils auront une seule récompense au lieu de deux, parce que ce sont des ulama mujtahidun. Donc leur erreurs leur sont excusées. Après, le cheikh il explique un troisième point, donc le point qu'on a mentionné à la fin, de leur chercher des excuses. Il dit as-sahaba غير معصومين بالنسبة لأفرادهم أما جملة الصحابة فهم معصومون وإجماعهم حجة ولكن أفرادهم قد يقع منهم أخطاء تكفر عنهم لعدة أسباب منها أنهم يتوبون إلى الله وتكفر عنهم سيئاتهم أو سيئاتهم بفضل صحبتهم وبفضل أعمالهم الجليلة. Donc le cheikh il dit, les sahaba, individuellement, ils ne sont pas infaillibles. Mais, de façon générale, c'est-à-dire quand on regarde les sahaba comme un tout, quand ils sont tous d'accord sur quelque chose, ils sont infaillibles dans cette décision-là et dans ce jugement-là. S'ils sont tous d'accord sur quelque chose, leur ijma, leur consensus, c'est une preuve dans la charia. Mais individuellement, c'est possible qu'ils se produisent de leur part des erreurs parfois. Et ces erreurs-là, ces péchés-là, peuvent être expiés de différentes façons et par différentes causes. Et parmi ces causes-là, l'exemple, la première exemple, c'est qu'ils peuvent se repentir à Allah. Donc ça, c'est la première chose par laquelle ils peuvent avoir une cause de revenir de cette erreur-là et d'être pardonné. Donc la première chose, c'est la repentance. Ensuite également, c'est possible que à cause du mérite de leur le fait qu'ils sont des compagnons, des sahaba, ce mérite-là peut également être une cause qui fait que certains de leurs péchés ou de leurs fautes leur soient effacés. Et aussi à cause de leurs grandes œuvres, hein, leurs grandes œuvres et les grands travaux qu'ils ont faits, le grand travail qu'ils ont fait pour la religion d'Allah. Donc le cheikh il dit, cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah في العقيدة الواسطية له كلام جميل في هذا يقول إن هذه الآثار المروية في مواسي أو في مساوي في مساويهم منها ما هو كذب وهو كثير والتاريخ يقع فيه كذب كثير يقول رحمه الله إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه الصحيح منه وهم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم وفي الحديث وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يعني فيغفر لهم بسابقتهم وفضائلهم وأعمالهم الجليلة. Donc le cheikh il mentionne les paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans son livre Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Et il dit une très belle parole au sujet des sahaba. Il dit ici justement que dans Al-Aqidah Al-Wasitiyah, il dit que parmi les narrations qui ont été rapportées au sujet des mauvaises actions, des choses que les sahaba, certains sahaba ont fait qui sont mauvaises, eh bien la plupart de ça c'est des choses qui sont des mensonges. Il dit ça c'est beaucoup hein, dans ces narrations là beaucoup sont du mensonge. Ensuite il dit, et on sait que dans l'histoire hein, les écrits ou les récits qui ont rapport avec l'histoire, il y a beaucoup de mensonges là-dedans. Il y a beaucoup de mensonges sur qu'est-ce qui a rapport avec les récits historiques. Il dit ensuite, Rahimahullah, Ibn Taymiyyah, il continue, il dit, et ces narrations-là, au sujet de leurs méfaits, il y a parmi ces choses-là des choses qui sont des mensonges, et il y en a des choses dans ces récits-là, des choses qu'on a ajoutées et d'autres qu'on a enlevées. Hein, on a enlevé des choses dans les récits. D'autres ont été falsifiés ou changés de qu'est-ce qui avait été mentionné authentiquement dans ces récits historiques. Et donc, il faut comprendre une chose, c'est que les sahaba, soit qu'il y a deux choses. S'ils ont fait des erreurs, soit que c'était des mujtahidun musibun, ou soit des mujtahidun mukhti'un. C'est-à-dire, soit que ce sont des mujtahidun qui avaient une position qui était correcte, parce qu'ils avaient raison, et soit que ce sont des mujtahidun, hein, des gens qui ont fait des efforts de jugement pour arriver à une position correcte, puis se sont trompés. Et malgré, donc ça veut dire que soit ils ont une seule récompense, s'ils se sont trompés, ils ont une seule récompense au lieu de deux. Tandis que s'ils ont, ils ont eu une position qui était vraie et correcte, dans ce cas-là, ils ont deux récompenses au lieu d'une seule. D'accord. Donc, ça c'est qu'est-ce qui a été dit à ce sujet-là. comme on a dit, soit ils sont des mujtahidoun qui ont raison, ou soit des mujtahidoun qui se sont trompés. Et malgré ça, yani, on dit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit ici, malgré ça, on ne croit pas que chacun d'entre les sahaba sont infaillibles de faire des grands péchés ou des petits péchés. En fait, c'est possible que certains d'entre eux commettent des péchés de façon générale. Hein? Et, yani, de façon générale, à cause de, du fait qu'ils ont précédé tous les autres dans l'islam et qu'ils ont beaucoup de mérite, eh bien ça nécessite qu'ils aient plusieurs des péchés qu'ils ont commis qui leur soient pardonnés à cause de ce mérite-là et à cause de cette précédence qu'ils ont dans l'islam. Donc ils vont être pardonnés pour cette raison-là. Et également, si ils ont commis certains de péchés, eh bien, c'est possible qu'ils soient pardonnés certains de leurs péchés, justement, que si d'autres les auraient faits, ils n'auraient pas été pardonnés. Si d'autres qui sont venus après eux auraient commis les mêmes péchés, cela ne leur aurait pas été pardonné, tandis que c'est pardonné aux sahaba. Pourquoi? À cause de leur précédence et de leur mérite et des grandes œuvres qu'ils ont faites pour l'islam. Parce qu'ils ont des hasanat, des bonnes œuvres tellement grandes qu'elles effacent les péchés qu'ils ont pu commettre. Et ces hasanat-là, ces bonnes œuvres, ne sont pas présentes chez ceux qui sont venus après. Après, le cheikh, il dit que c'est rapporté par l'imam al-Bukhari qui l'a mentionné dans Sahih al-Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et qui te dit, hein, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner, hein, aux gens de Badr, c'est-à-dire ceux qui ont participé à la bataille de Badr, et qu'il les a regardés, il a regardé les gens qui ont participé à la bataille de Badr, et il leur a dit, faites ce que vous voulez, car je vous ai certes pardonné. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala va leur pardonner certains péchés qu'ils ont faits à cause de leur précédence dans l'islam, et à cause de leur grand mérite, et à cause de leurs grandes œuvres également. Ensuite, le cheikh Al-Fawzan, il continue l'explication de la parole de l'imam Ibn Abi Zayd, et il dit فقول المصنف رحمه الله وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب فلا يجوز للإنسان أن يشتغل بما حصل بين الصحابة بل يغلق هذا الباب نهائيا احتراما لهم ولأنهم لهم من الفضائل والأعمال الجليلة ما يكفر الله به ما يحصل من بعدهم إن ثبت هذا مع أن أكثره مكذوب قال الله تعالى فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique que l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il dit que donc les sahaba sont ceux qui méritent le plus qu'on leur donne les meilleures excuses et les meilleures issues et qu'on pense d'eux, hein, le plus de bien par rapport à leur position qu'ils ont adoptée. Et Cheikh Al-Fawzan il dit, il n'est pas permis à quelqu'un de se préoccuper de ce qui s'est produit comme problème entre les Sahaba, et on doit fermer cette porte de façon définitive par respect pour les Sahaba. Hein, parce qu'ils ont des mérites et des grandes œuvres qui viennent expier et effacer tout ce qui a pu se produire entre eux comme tribulation et comme problème. Et ça, c'est ça, c'est dans le cas où ce qui a été mentionné à ce sujet-là est réellement authentique et c'est vraiment produit. Parce que beaucoup d'entre ce qui a été mentionné à ce sujet-là sont des mensonges. Hein? Ensuite, le cheikh, il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans Surat al-Hashr, le verset 10 qu'on a lu tout à l'heure, « Et ceux qui sont venus après eux disent, « Notre Seigneur, pardonne à nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets pas dans nos cœurs de la rancune pour ceux qui ont cru. Notre Seigneur, tu es certes indulgent et miséricordieux. » Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il mentionne dans l'Aqidat al-Wasitiyya un autre point important. Il dit, et parmi les fondements de Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, c'est que le musulman doit être en paix dans son cœur et dans sa langue. Hein, les gens de la Sunnah, de la Jama'ah, doivent être en paix dans leur cœur et avec leur langue vis-à-vis des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Après le cheikh, il dit « وَفِي هَذِهِ الْأُمَّةِ ثَلَاثَةُ أُمُورِ الدُّعَاءِ لَهُمْ وَالسَّنَاءُ عَلَيْهِمْ وَطَهَارَةُ الْقُلُوبِ مِنْ بُغْدِهِمْ وَالْأَلْسُنَةِ مِنْ سَبِّهِمْ عَكْسُ الَّذِينَ يَلْعَنُونَهُمْ وَيَسُبُّونَهُمْ وَيَلْتَمِسُونَ الْعُيُوبَ لَهُمْ مُخَالِفِينَ بِذَلِكَ أَمْرَ اللَّهِ وَأَمْرَ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم. Et donc le cheikh, il dit que il y a trois choses qu'on doit tenir compte parmi les principes d'Ahlus Sunnah wal Jama'ah vis-à-vis des Sahaba. Premièrement, on doit faire des du'as. Ça, c'est l'explication du verset 10 dans Surat al-Hashr en même temps. Il dit on doit faire des du'as pour eux et faire des éloges. Hein, leur faire des éloges. Donc, ça, c'est premièrement. Premièrement, le du'a. Deuxièmement, faire des éloges pour eux. Hein, mentionner du bien à leur sujet. Et troisièmement, avoir le cœur purifié de toute haine contre eux et la langue de toute insulte. Alors, avoir le cœur purifié de toute haine et la langue purifiée de toute insulte à leur sujet. Et ça, c'est le contraire de ceux qui insultent les Sahaba, qui les insultent, qui les maudissent, et qui leur cherchent des fautes et des défauts, et qui contredisent par cela ce que Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ont ordonné à propos des sahaba, comme les rafidah, shi'a rafidah, comme on a dit tout à l'heure, et les khawarij et d'autres. Hein? Et on voit que même les khawarij, et ceux qui suivent leur voie, et les rafidah, ils agissent comme ça, même aujourd'hui avec les ulama de la sunnah, Allah al-musta'an. Après, le cheikh, il mentionne un autre point parmi les points de Ahl Sunnah wal Jama'ah, et ça, c'est un des points très très importants, surtout à notre époque. C'est un point que beaucoup de musulmans même ignorent. Bon, on va faire ce point-là, puis on s'arrête, Inch'Allah. Le cheikh, l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, comme tous les autres imams d'Ahl Sunnah wal Jama'ah, il confirme ce fondement et ce point parmi les points d'Ahl Sunnah. Il dit « وَالطَّاعَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ وُلَاتِ أُمُورِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ » Donc il dit que on doit obéir aux dirigeants des musulmans et ceux qui sont responsables de leurs affaires et ainsi qu'à leurs ulama. نعم واتباع السلف الصالح واقتفاء أثرهم والاستغفار لهم et on doit suivre les pieux prédécesseurs et les prendre comme exemple et suivre leurs traces et demander pardon pour eux. Donc, on va commencer par la première partie de ça. Le Cheikh, il dit « هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَعَةِ التي في كتب العقائد التي ألفها العلماء في بيان أصول عقيدة أهل السنة والجماعة وهي السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين لما يترتب على ذلك من المصالح ويندفع به من المفاسد فلا بد للمسلمين من الاجتماع على تقوى الله والعمل بشرعه من المفاسد والعمل بشرعه قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم فلا بد من اجتماع المسلمين وعدم تفرقهم ولا يجتمعون إلا بقيادة منهم فلا اجتماع إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولهذا قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Donc le Cheikh il explique que ce point fait partie des points qui sont reliés au fondement des gens de la sunna et de la jama'a dans les livres de la aqida que les ulama ont écrit pour clarifier les fondements de la aqida d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Il n'y a pas un livre de aqida d'Ahl Sunnah qui ne mentionne pas ce fondement là qu'on doit écouter, obéir aux dirigeants, et c'est à dire écouter et obéir aux dirigeants des musulmans. Et pourquoi? Parce que il y a comme conséquence à cela de grands bienfaits. Et en faisant cela, on repousse de grands méfaits. Et donc, il faut absolument que les musulmans se réunissent sur la piété. Hein? La piété et la crainte d'Allah et l'application de sa législation. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 103 dans Surat Al-Imran, « Et cramponnez-vous tous au câble d'Allah » et ne vous divisez pas. Et il dit également, ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que leur soit venue l'épreuve claire. Ceux-là, ils auront pour eux un énorme châtiment. Et donc, il faut absolument que les musulmans se réunissent et qu'ils ne se divisent pas. La division est interdite en islam. Hein, que ce soit la division sur le plan politique ou sur le plan religieux, tout ça c'est interdit. Et la division sur le plan religieux c'est encore plus dangereux. Hein? Mais également sur le plan politique, parce que ça divise la Ummah, ça l'affaiblit. Donc les musulmans sont obligés d'être un seul corps, un seul groupe, un seul parti, une seule jama'a. Ils n'ont pas le droit de se diviser en différents groupes ou en différents partis ou en différentes jama'a, mais ils doivent être tous un seul groupe et un seul parti unis autour de leurs dirigeants. Aynam. C'est ça la jama'a, c'est ça la définition de la jama'a. Et donc, ils ne peuvent être réunis que s'ils ont quelqu'un qui est à leur tête et un imam, un dirigeant. Et il ne peut y avoir de dirigeant excepté s'il y a une écoute et une obéissance à ce dirigeant-là. Hein? Si quelqu'un est au pouvoir, il est dirigeant, mais que personne n'est obligé de l'obéir, eh bien, il n'y a pas de doute que ce dirigeant-là, il ne sert pas à grand-chose. Donc, s'il y a un dirigeant qui a été établi sur nous, eh bien, c'est pour qu'on obéisse à ce dirigeant. Naam. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset, dans Surat An-Nisa, le verset 59, ce qui signifie, « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. » Et le cheikh il dit فذكر سبحانه وتعالى أن الطاعة تكون لثلاثة أولا تكون لله عز وجل ثانيا تكون للرسول صلى الله عليه وسلم وثالثا تكون لأولي الأمر وأولو الأمر هم أمراء المسلمين وعلماء المسلمين والمصلحة تعود على الجميع بحيث ينتظم شؤونهم أو شأنهم وتقوى جماعتهم ويهابهم عدوهم وهذا ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ولما وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته وهي ما أوصى الله بها في كتابه في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وفي قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Donc le cheikh il explique que il a mentionné l'obéissance dans le verset 59 dans sourate An-Nisa, l'obéissance à trois personnes, trois catégories, trois personnes. La première obéissance est l'obéissance à Allah, qui est une obéissance absolue. La deuxième obéissance, qui est l'obéissance au messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui est aussi une obéissance absolue, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَنْ يُتَعَ الرَّسُولُ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهُ. Celui qui obéit au messager, il a certes obéi à Allah. Et donc c'est une obéissance absolue. Et la troisième, il dit, est l'obéissance aux dirigeants des musulmans. Il a dit, et aux dirigeants des musulmans. Et les dirigeants musulmans, quand on parle de Ulul Amr, de ceux qui détiennent le commandement parmi les musulmans, ce sont les dirigeants qui sont les umara, les responsables politiques, ou al-ulama, c'est-à-dire ceux qui détiennent la science, les savants musulmans. Ce sont eux qu'on désigne par les responsables et les dirigeants parmi les musulmans. C'est ça. Donc eux, leur obéissance, elle n'est pas absolue. Leur obéissance, elle est uniquement dans ce qui n'est pas haram. Leur obéissance est uniquement dans ce qui n'est pas interdit, dans ce que Allah et son messager ont révélé ont mentionné de la religion. Et c'est-à-dire on doit leur obéir uniquement dans ce qui n'est pas en contradiction avec la législation divine, dans le Coran et dans la Sunna. Ensuite le cheikh il explique que si on obéit et qu'on écoute, on obéit à Allah et à son messager et à ceux qui détiennent le commandement, eh bien le bienfait retombe sur tous les musulmans par la suite. Parce que le dirigeant va organiser leurs affaires et va faire en sorte que leur rassemblement sera plus fort et que leur ennemi va les craindre à cause de ça. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et c'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a également ordonné. Et il mentionne ensuite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une exhortation aux compagnons, et cette exhortation était tellement une exhortation touchante et émouvante que les sahaba ont mentionné que leurs cœurs ont frémi et que leurs yeux ont laissé couler des larmes à cause de cette exhortation. Et ils ont dit, ô messager d'Allah, on dirait que il y a, hein, on dirait que cette exhortation-là, c'est l'exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux, hein, quelqu'un qui va mourir, quelqu'un qui va nous quitter. Alors, qu'est-ce que tu nous donnes comme engagement? Et ils ont dit, il a dit aux sahaba, je vous donne comme, je vous enjoins de craindre Allah et d'écouter et d'obéir, même si celui qui est au pouvoir sur vous est un esclave éthiopien. Parce que celui qui vivra parmi vous après moi verra beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs, bien guidés et bien orientés après moi. Hein? Et accrochez-vous à celle-ci et mordez dedans avec vos molaires. Et prenez garde aux choses inventées dans la religion, car toute chose inventée dans la religion est une innovation. Et toute innovation est un égarement. Toute innovation est égarement. Kullu bid'atin dalala. Toutes les bid'as sont des égarements, sans exception. Et le cheikh, il dit ensuite, c'est-à-dire les bid'as dans la religion, bien entendu. Hein? Après, il dit le cheikh, il dit, « هَذِهِ وَصِيَّةُ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِأُمَّتِهِ وَهِيَ مَا أَوْصَى اللَّهَ بِهَا وَهِيَ مَا أَوْصَى اللَّهُ بِهَا فِي كِتَابِهِ فِي قَوْلِهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَفِي قَوْلِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَالرَّدُّ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ هُوَ الرَّدُّ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ أُولُو الْأَمْرِ فِي الْعِلْمِ وَالْأُمَرَاءُ أُولُو الْأَمْرِ فِي السُّلْطَةِ ولا بد للمسلمين من علم وسلطة فمسائل العلم للعلماء ومسائل السياسة لأمراء المسلمين ولا يستقيم أمر المسلمين إلا بهذا في كل زمان ومكان ولا يستقيم هذا مع إعلان سبقهم مع إعلان سبهم وتنقصهم والتماس العيوب لهم وإعلان ذلك للناس لأن هذا يسبب الخروج عليهم وشق عصا الطاعة وتفريق الجماعة ومن حصل منه خطأ فإنه يناصح سرا بين الناس بين الناصح والمنصوح. Donc le cheikh il dit que ce conseil que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enjoint à sa ummah, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a enjoint dans son livre également, lorsqu'il dit dans le verset 103 dans sourate Al-Imran, ce qui signifie et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas, et lorsqu'il dit dans le verset 59 dans sourate An-Nisa, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et si vous divergez en quoi que ce soit, alors renvoyez-le à Allah et à son messager. Et de le renvoyer à Allah et à son messager, ça veut dire de le renvoyer au livre d'Allah et de le renvoyer à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et bien entendu, à la main des ulama. Hein, à la science des ulama, parce que les ulama ce sont les responsables des musulmans dans la science de l'islam, et les umara, les dirigeants, sont les responsables des musulmans sur qu'est-ce qui a en rapport avec le pouvoir politique. Et donc, il faut que les musulmans aient ces deux choses réunies, la science et le pouvoir. Et on voit que beaucoup de musulmans, ils ont mal compris ça, ils n'ont pas compris ce système, ou ils n'ont pas compris ce principe dans l'islam. Et on voit que même les ennemis de l'islam, eux, ils l'ont compris, et c'est ça qu'ils ont attaqué. C'est ça ce qu'ils ont attaqué en premier, surtout quand ils ont fait les colonisations des pays musulmans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué les hommes de science en premier, les ulama de l'islam, hein? Ils les ont chassés, ou bien ils les ont exilés, ou les ont fait fuir, ou les ont tués. Et ils ont également éliminé la classe dirigeante et les responsables. Et ensuite, quand ils sont partis, ils ont laissé les musulmans à eux-mêmes, comme ça, dans le chaos. Souvent, c'était comme ça. Hein? Ou bien ils ont mis à leur place des gens qui continuent à juger selon leurs mêmes idées ou leur même système parfois, parce qu'ils ne leur ont pas laissé appliquer les règles de leur religion. Hein? Ils ne les ont pas laissé appliquer les règles de l'islam, et donc à cause de ça, les musulmans ont été avec un vide. Hein? Ils ont eu un vide par la suite. Un vide sur le plan de la science et un vide sur le plan de la politique et du pouvoir. Et donc le cheikh Al-Fawzan nous dit ici, il faut que les musulmans aient un pouvoir politique, et il faut qu'ils aient de la science de l'islam, la connaissance de la religion. Et les questions qui ont rapport avec la science de la religion, ça revient aux ulama, et les questions qui ont rapport avec la politique, ça revient aux dirigeants des musulmans. Et les affaires des musulmans ne peuvent pas se tenir droites sans ces choses-là. À toute époque et dans tout lieu. On ne peut pas, hein, c'est pas possible qu'il puisse y avoir un ordre, hein, droite dans la politique et dans la religion si les gens se permettent d'insulter les dirigeants, d'insulter les ulama, hein, et de les dénigrer, de les rabaisser et de leur chercher des fautes et de mentionner ça publiquement aux gens, hein, comme les khawarij le font, Allah al-musta'an. Et donc le cheikh il explique, il dit, et ça c'est la cause des rébellions et des révoltes qui se produisent par la suite, et le fait que l'unité des musulmans est brisée et que personne ne veut leur obéir par la suite, même dans le bien. Et par la suite, la division de la Jama'a. Donc, si quelqu'un a commis une erreur ou une faute, que ce soit un dirigeant ou une autre, ou un savant, il faut qu'il soit conseillé en privé, hein, et non pas publiquement. Hein. Si le dirigeant il fait une faute, il ne doit pas être conseillé publiquement, et humilié ou rabaissé publiquement, non. Il faut que la correction se fasse, mais en privé. Hein. Et ça, c'est le manhaj d'Ahl Sunna wal Jama'a et des Salaf al-Salih à ce sujet-là. Donc, on va s'arrêter ici pour maintenant, puis on fera la suite et le dernier cours de ce livre après Salat al-Asr, inshallah, dans quelques minutes, bi'idhnillah. Donc on s'arrête ici, inshallah. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.